faut être en forme en général dans la vie, ouais. Je suis de plus en plus persuadé. Bref, il faut essayer sa voix tout le temps. La préciser, l'ajuster. Puisque la voix, c'est le... C'est la personne, disons. Enfin, c'est le... La voix, c'est tout. D'une certaine façon, c'est tout. Même la voix intérieure, ce qu'on a appelé la voix intérieure, qu'on n'appelle plus la voix intérieure, c'est l'essentiel. Donc, on est en dessous de soi-même quand on a une petite voix. C'est voilà. Quoi soi-même ? C'est ce qu'on devient. Mais on devient ce qu'on est. Ce qui veut dire aussi qu'on s'élabore progressivement, mais on s'élabore progressivement par la voix.